Le couple parfait. Un couple nouvellement marié était très heureux à la naissance de leur premier enfant, une fille. Un jour, une amie vint leur rendre visite. Elle leur dit qu'elle connaissait un petit garçon de 2 ans d'une famille extrêmement respectable. Elle se disait que plus tard, il deviendrait certainement le meilleur des maris pour leur fille. Le père de la petite fille se fâcha et s'exclama. Ma fille a tout juste 1 an et ce garçon a 2 ans. Je ne veux pas d'un gendre qui ait le double de l'âge de ma fille. Quand sa femme l'entendit s'exprimer ainsi, elle insista. Bah, tu as tort. Maintenant, notre fille a seulement 1 an, mais l'année prochaine, elle sera aussi âgée que ce garçon et ils formeront tous deux un couple parfait.